Dieser Kampf ist ein guter Kampf. Die Bibel nennt ihn einen guten Kampf. Ce combat est un bon combat. La Bible elle-même nous dit que c'est un bon combat. It means there's what is called good fight. Es gibt etwas, was sich guter Kampf nennt. Donc il y a un combat qui s'appelle le bon combat. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. It is not an evil fight. Das ist kein bösartiger. Ce n'est pas un combat malsain. Amen. Un combat mauvais. Praise the Lord. Alléluia. Paul really fought the good fight of faith. Paulus hat wirklich diesen guten Kampf des Glaubens ausgetragen. 1 Corinthiens 15. Paul, par exemple, a vraiment combattu le bon combat de la foi. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 10. Praise the Lord. Alléluia. He said, but by the grace of God, I am what I am. Praise the Lord. Alléluia. By His grace. Durch seine Gnade. I am what I am. À travers la grâce de Jésus-Christ, je suis qui je suis. Bin ich, was ich bin. Amen. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. Amen. Praise the Lord. Alléluia. But I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Amen. Praise the Lord. Amen. He labored. Hat gekämpft. He fought the good fight of faith. Kampf des Glaubens gekämpft. Il a travaillé pour combattre le bon combat de la foi. He said he fought that faith more than them. More than them all, even more than we today. Er hat diesen Kampf noch mehr ausgetragen als wir, als sie. Il était vraiment impliqué dans son combat plus que tous et même plus que nous aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. You know, to be going from prison to prison. Von Gefängnis zu Gefängnis zu gehen. Partir de prison en prison. Si. Wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen. Si on regarde la vie de Paul. Amen. Amen. And upon her, he said he did not labor on himself. The labor was not coming from him. Did not even come from him. Dennoch sagte er, diese Arbeit kam nicht von ihm selbst. Mais il dit quand même que ce travail ne venait pas de lui-même. He said this labor was, it came from the grace. Seine Arbeit kam aus der Gnade heraus. Yeah. Ce travail est venu à travers la grâce de Dieu. Actually, it was Christ that labored the labor. Amen. Look at this. Donc, on peut dire que c'est le Christ lui-même qui a combattu le bon combat de la foi à travers Paul. He said, but I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Amen. The Christ in us is the one that labors. C'est le Christ en nous qui travaille. Christ was bestowed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. No flesh can do anything for Christ. Kein Fleisch kann irgendwas für Christus Jesus tun. Donc la chair ne peut rien faire pour l'éternel, pour Jésus-Christ. Amen. You can see, that is why Noah needed the grace. Moses needed the grace. All of them. Without the grace, they can do nothing. Ja, Noah brauchte die Gnade, Adam brauchte diese Gnade. Ohne diese Gnade kann niemand was für ihn tun. Et c'est la raison pour laquelle que Noah ou Abraham ont eu besoin de la grâce, parce que sans la grâce, l'homme, la chair, n'est pas capable de faire quelque chose pour le Christ, pour Dieu. Again, under grace, we do not pray to be blessed. To pray to be blessed, you are under law. It means you are walking by sight. I don't know. Zu beten, dass du gesegnet wirst, bedeutet, dass du ein Gesetz bist, weil du wandelst dann per Sicht und nicht per Glauben. Encore une fois, quand tu pries pour être béni, ça veut dire que tu es sous la loi et tu te laisses toujours guider par les cinq sens. The question is, do you believe you are in heaven or not? Die Frage ist, glaubst du, dass du im Himmel bist oder nicht? La question est-ce que tu crois réellement que tu es dans le royaume des cieux? And how is heaven? Wie ist der Himmel? Et comment est le is royaume des cieux? Is there lack in heaven? Ist im Himmel Mangel? Est-ce qu'il y a des un manque dans le royaume des cieux? I'm in heaven, but there's nobody. There's nothing like that. Du kannst nicht sagen, wir sind im Himmel, aber es gibt kein Geld. On ne peut pas dire que nous sommes dans le royaume des cieux, mais qu'on n'a pas d'argent. Il n'existe, il n'y a pas de pauvreté dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Colossians 1:13 says we have been translated into heaven. In Kolosser 1:13 steht, dass wir in den Himmel versetzt worden sind. Look at it. Praise the Lord. Dans Colossiens, il est écrit qu'on a été ramené, transporté dans le royaume des cieux. Amen. 1:13. Colossiens 1:13. Jennifer will help us to read. I'm coming. I'm not there. Praise the Lord. Alléluia. Colossiens 1:13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. Who had delivered us from the power of darkness. And has translated us into the kingdom of his dear son, which is called the kingdom of heaven. Welches Königreich des Himmels ist. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, qui est le royaume des cieux. The question is, are we there or not? Die Frage, sind wir dort oder nicht? Et la question est, est-ce qu'on a été transporté là ou pas? Est-ce qu'on est là ou pas? Again, let us stop walking by sight. Lass uns aufhören, per Sicht zu wandeln. Encore une fois, on doit arrêter de marcher selon nos cinq sens. Let us stop walking by the flesh. Lass uns aufhören, per Fleisch zu wandeln. On doit arrêter de marcher selon la chair. Let agir us, selon la chair. Let us stop walking by the kingdom. Let us stop walking by the kingdom of this evil world. Aufhören, nach dem Königreich dieser bösartigen Welt zu wandeln, nach ihrem System. On doit arrêter de marcher selon le système de ce monde, selon le système de ce royaume ici sur Terre. Let us stop walking by situation. Lass uns aufhören, nach Situation zu wandeln. On doit arrêter de marcher selon nos situations, selon nos circonstances. Praise the Lord. Alléluia. Jesus came here. Jésus-Christ est venu ici sur terre. Jesus came here. He came to teach us how to live under his grace. Er hat uns gezeigt, wie wir unter seiner Gnade leben. Il est venu nous montrer comment vivre sous sa grâce. Under his grace, you don't need quantity. Unter seiner Gnade brauchst du keine Quantität. Sans sa grâce, tu n'as pas besoin d'une grande quantité. Amen. Mm. You don't need big things. Du brauchst keine große Sachen. Sous sa grâce, tu n'as pas besoin d'une grande quantité. Remember 2 fish and 5 loaves. Erinnert euch an 2 fish und 5 Brote. That is grace. Das ist seine Gnade. Rappelez-vous des 2 poissons et des 5 pains. Ça, c'est vivre sous sa grâce. Praise the Lord. Hallelujah. Under his grace, you don't need quantity. You just need Christ. Unter seiner Gnade. That's all you need. Brauchst du keine Quantität, sondern brauchst einfach nur Christus. Sous sa grâce, tu n'as pas besoin d'une grande quantité, mais tu as seulement besoin du Christ lui-même. Amen. Amen. If you look at Jesus, all he had was his father. Alles, was Jesus hatte, war sein Vater. Jésus-Christ, par exemple, tout ce qu'il avait, c'était Dieu. Anytime he wanted to do it, he looked unto heaven. Immer wenn er was gemacht hat, hat er auf den Himmel geschaut. The same thing the Bible says we should look unto in Colossians 3. Since we are still in Colossians, go to Colossians 3. Und das wollen wir auch tun. À chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il a d'abord, il s'est d'abord concentré sur son père. Et c'est la même chose que la Bible nous dit qu'on doit faire. Quand nous sommes toujours en Colossiens, on va lire Colossiens 3, pardon. Praise the Lord. Hallelujah. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, just like Jesus. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, comme Jésus-Christ l'a fait quand il était ici sur terre. We are Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Amen. Praise the Lord. Amen. But you are dead, 3. And your life is hid with Christ in God. Amen. And when Christ, who is your life. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On a lu Colossiens 3, versets 1 à 4. Amen. Amen. You know, Jesus did not need quantity. Jesus brought kind of quantity. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'une grande quantité. Because a little a righteous man have is greater than all their wealth. Amen. Das kleine, was ein Gerechter hat, somebody gets ist größer als der Reichtum. That's under grace. Der Ungerechten ist unter der Gnade, ist das der Fall. Parce que le peu que possède un homme juste est beaucoup plus que la grande quantité que les injustes possèdent. It's so good to live under the grace of Christ. C'est so good under la gnade von Christus Jesus. C'est vraiment bon de vivre sous la grâce de Jésus. You don't need to be worried about anything. Tu musst dir um nichts Sorgen machen. Tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. You never panic for anything. Tu n'es jamais en panique devant tes circonstances. Are you getting it? Mm-hmm. Even the old, Elisha, he was not panicked when he saw the Syrian army. Because he is under the protection of grace. Elijah hatte keine Panik, als er die syrische Armee vor sich gesehen hat, weil er unter dem Schutz der Gnade ist. Même dans l'Ancien Testament, on peut voir que Élisée n'avait pas peur de l'armée syrienne parce qu'il savait qu'il était sous la protection de la grâce de Dieu. Under grace, you are covered with His blood. Don't be afraid of anything. Once you are under grace, Satan hates you. He's afraid of what? Let them come. Just let them come. Just like the Syrian army came. They came. They were there. They could do nothing. Parce que quand tu es sous la grâce, tu es sous le sang de Dieu, tu es sous la protection de Dieu. Et même si le diable vient, tu laisse-le venir, parce que tu es protégé par le sang précieux de Jésus-Christ. Mais sous la loi, tu es nu face au diable. Donc quand il s'agit de toi-même, quand toi-même tu es le Seigneur de ta propre vie. And that's why it's so good to remember the finished work of Christ. Und deswegen ist es so gut, all the time. An das fertige Werk von Christus Jesus zu erinnern, ständig. Et c'est la raison pour laquelle c'est si bon et si important d'être toujours concentré sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. If nothing is working, don't think of how you read so much. Think of what He paid for. Auch wenn nichts funktioniert, denk nicht darüber nach, wie viel du bezahlt hast. If you fail woefully, not your work. Don't think of, don't just say how I work so much. That's law. Are you getting it? Remain under His grace. Daddy, thank you. Amen. You paid the price. Merci. You can give like, what is all this? There's nothing you have not given me. Thank you. It is all about you. Amen. Und bedanke dich bei ihm, weil es nur um ihn geht. Donc, même si tu échoues, tu dois toujours être concentré sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et si Il t'a donné la vie. Si il est la vie, quelle importance ont ces choses ici charnelles, les choses de ce monde? Donc, tu ne dois jamais voir le résultat que tu as ici sur terre, mais toujours ce que tu as en Jésus-Christ, toujours être concentré sur son œuvre accomplie. Under law, you see how you try your best. Parce que sous la loi, tu vas toujours voir tes propres efforts. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Let's go to Psalms 37. Psalm 37. Amen. Please learn to live under His grace. Lernt unter seiner Gnade zu leben. Apprenez à vivre sous sa grâce. Amen. Amen. His grace is wonderful. Und seine Gnade ist wundervoll. Sa grâce est merveilleuse. Psalm 37, verse 16. Psalm 37, verse 16. A little that a righteous man has. A little, two fish and five loaves. It's not big. It's just a little. Just that little. It's klein aus der Gerechtigkeit. Because why is it bigger than all others? Because it's Christ. Wieso ist es größer als alles andere? Weil es Christus ist. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Pourquoi est-ce que le peu du juste est mieux que l'abondance du méchant? Parce que le peu du juste est Christ et le Christ lui-même. Amen. Amen. Amen. Amen. You know, while speaking in tongues, for example, dass wir in fremden Zungen sprechen. Quand on prie en langue, quand on parle en langue, par exemple. Amen. In 1 Corinthians 14. In 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. Praise the Lord. 1 Corinthians 14, verse 18. 1 Corinthians 14, 18. 1 Corinthians 14, verse 18. Amen. Amen. He said, I thank my God, I speak with tongues more than you all. Er sagt hier, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprache rede als ihr alle. Il remercie son Dieu qui prie plus en langue que tous. Remember, you know, Paul is so he was so matured in the spirit. Paulus war so gereift im Geist. Paul était vraiment mature dans l'esprit. Amen. He was so matured in the spirit. Er war so gereift im Geist. Il était vraiment mûr, mature dans l'esprit. You know, here he said, I thank my God, I speak with tongues more than ye all. He's not talking about the flesh, but the spirit. Encore une fois, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et là, il ne s'agissait pas de la chair, mais de l'esprit. And then if you go to Galatians 5:25. Encore une fois, si on rentre à Galates 5, verset 25. Amen. And see what he wrote there also. Somebody there, please. 5:25. If we live in the spirit, you know, for him, it's all about the spirit. Pour lui, il s'agit seulement de l'esprit. Amen. Amen. I thank my God, I speak with tongues more than you all. Because he is aware of the spiritual world. It's not that he's going everywhere, just making in Afro shop, in Ghana shop, in everywhere. That was not, for him, he was aware that 24/7 his spirit is never shut up. Amen. Und er hat gesagt, ich bete mehr als ihr alle in fremden Zungen. Und das hat er nicht gesagt, weil er die ganze Zeit in fremden Zungen gesprochen hat und nicht mehr normal geredet hat, überall wo er war, sondern es ging darum, dass er sich bewusst war über die geistliche Welt und den Geist in ihm, der niemals Ruhe gibt, der immer wieder zum Herrn betet und den Herrn preist und lobt mit fremden Zungen. Amen. Et quand Paul nous dit qu'il prie plus que nous tous en langue. C'est pas qu'il était partout et il était, il parlait seulement en langue. Non, parce que ce qu'il veut dire, c'est qu'il était vraiment conscient du monde spirituel. Et c'est ça, c'était. Et il donnait la plus grande importance au monde spirituel parce qu'il s'agissait du monde du Christ. Donc, il était conscient que l'esprit qu'il a en lui n'est jamais calme. Il prêche toujours la vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Remember also. 2 Corinthians 5:7. He said, "We walk by faith and not by sight." Wir wandeln im Glauben, nicht per Sicht. Et il a aussi dit qu'on marche selon l'esprit et pas selon la vue. We don't walk by what we do. Wir wandeln nicht durch das, was wir tun. Nous marchons pas selon nos œuvres. But by who we are. Mais nous marchons à travers la personne qu'on est. Amen. We don't walk by what we do, but by who we are. That is who we are. That is our spirit is Christ completely. Unser Geist ist Christus vollkommen. That's who we are. Notre esprit est Jésus-Christ lui-même complètement. Donc, nous ne marchons pas selon nos œuvres, mais selon notre identité qu'on a à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Our spirit never sleeps or slumber. Unser Geist schläft nicht. Notre esprit ne dort jamais. Amen. We don't walk by sight, we walk by who we are in the spirit. Wir wandeln nicht per Sicht, sondern durch den Geist. Nous marchons pas selon notre vue, mais selon la personne qu'on est dans l'esprit. Amen. Our spirit pray 24/7. Our spirit speak in tongues 24/7. If you are aware of that, you can say I speak in tongues more than all of you. Unser Geist betet 24/7 und wenn wir uns dem bewusst sind, können wir sagen, dass unser Geist 24/7 betet. Lass uns bitte die Wahrheit erkennen. Notre esprit est le Christ. Notre esprit prie 24/24 et si on est conscient de ce fait, on est aussi capable à dire, on a aussi le droit de dire que notre esprit, on prie plus que tout le monde en langue. If you look at Paul, you see he was always in the spirit. For him, it was all about. He was just living there. Er war immer im Geist. Er hat gelebt. On peut voir que Paul vivait vraiment dans l'esprit, qu'il était toujours en esprit. Amen. Just like Jesus. Amen. Comme Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. That he was able to tell his mother. You know, that natural, Mary. You know, he did not even hide it. He said, you are not my mother. To reject her. He not just in secret. Openly. Nicht nur unter vier Augen, nicht are you getting über WhatsApp, it? There's somebody under grace. And somebody, there's somebody in the spirit. Without the spirit, you can never do that. Ohne Geist kannst du das niemals tun. Et on peut voir que Jésus-Christ était toujours dans l'esprit, parce que s'il n'était pas dans l'esprit, il n'aurait jamais été capable à dire que ma famille sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc il a rejeté le sang naturel quand il a rejeté Marie, et ça publiquement, pas en cachette. Amen. Paul was always aware of the spiritual world. Paulus war sich diese geistlichen Welt immer bewusst. Paul était toujours conscient du monde spirituel. Amen. Amen. To know it, to know knowledge. To know that you belong to that. That's why the Lord told me years ago. He said, well, if anyone asks me who I am or what I'm doing or what I'm for, he said, I should never say what is outside. Mm-hmm. I should always say what is in the spirit, who I am in the spirit. That is how Paul was speaking. Mm-hmm. He spoke with authority. That's Jesus himself also. Mm-hmm. Und vor Jahren hat mir der Herr schon gesagt, dass immer, wenn mich jemand fragt, ich soll niemals meinen physischen Zustand sagen, oder meinen geistigen Zustand, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht oder wie die Sachen sind. Et c'est la raison pour laquelle, il y a des années, l'Éternel lui-même a révélé de, à chaque fois que quelqu'un me demande comment je vais ou quoi que ce soit, de toujours donner ce que j'ai et ce que j'ai et ce que j'ai et qui je suis en esprit, pas selon la chair. If anyone ask a question, first, you know Jesus, when they ask him, concerning that woman they caught in adultery. He did not reply them immediately. First of all, he stood and started writing something on the floor, on the ground. Amen. Amen. You know, just arrived. Make sure. Are you getting it? But make sure whatever is going to come out is of the spirit. Wenn ich Leute was fragen, lass zu, dass das was rauskommt aus dem Geist ist. Nimm dir die Zeit in Christus und Antwort in seiner Ruhe, in seinem Frieden, genauso wie er es getan hat, als man ihn gefragt hat. Et quand on vous pose des questions, soyez sûr que vous répondez toujours en esprit. Prenez votre temps pour être sûr de répondre en esprit, comme notre Père Jésus-Christ lui-même l'a fait quand on l'avait confronté avec la femme qui avait commis l'adultère. Be conscious of the spirit. Sei dir der geistlichen Welt bewusst. Sois conscient du monde spirituel. Stop walking by sight. Hör auf, per Sicht zu wandeln. Arrête de marcher selon la vue. Stop walking by the flesh. Hör auf, durch das Fleisch zu wandeln. Arrête de marcher selon la chair. Amen. Amen. Let it be under grace. Lass zu, dass alles unter Gnade ist. Permet que tout soit sous la grâce de Jésus-Christ. Under grace means it is Christ Jesus. Unter Gnade bedeutet, dass es allein Christus Jesus ist. Parce que sous la grâce, ça veut dire qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ lui-même. It means it is the finished work of Christ. Es geht um das fertige Werk von Christus Jesus. Es ist vollbracht. Ça veut dire qu'il s'agit de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Under grace, under Christ's grace, when you see things are not working. Unter der Gnade von Jesus Christus, wenn du siehst, dass Dinge nicht funktionieren. Si tu vois que certaines choses ne fonctionnent pas, mais quand tu es sous la loi de Jésus-Christ. You know, if you are under grace. La grâce, pardon. Wenn du unter der Gnade bist. If your mind is full of Christ. Wenn deine Gedanken voll sind von Christus, si tes pensées sont remplies de Jésus-Christ, and even things are not even working, die Dinge dennoch nicht funktionieren, et les choses ne fonctionnent quand même pas. Amen. That does not mean things are not working. Das heißt nicht, dass Dinge nicht funktionieren. Ça veut dire pas que les choses ne fonctionnent pas. Praise the Lord. Alleluia. Amen. It's like the Syrian army, for example. They were there. They were present. They were not absent. The problem was right there. Sie waren da, das Problem. It was as if nothing was working. Das Problem stand ihnen vor Augen, sah also aus, als nichts funktioniert. C'est comme comme on voit dans la Bible avec l'exemple de l'armée syrienne. L'armée syrienne était là, elle était présente, elle était devant Élisée physiquement. Et tu peux croire que rien ne marche. Amen. And that, you know, once you pray, remember, all the time, remember his finished work. Et quand tu pries, erinnere dich immer wieder an sein fertiges Werk. Mais quand tu pries, rappelle-toi à chaque fois de son œuvre accomplie. It will keep you, it will protect you from doubt. Es wird dich vor Zweifel schützen. Ça va te protéger devant les doutes. Amen. Because you know, this finished will mean it is finished. It's not going to be finished. You know, it's not going to be done. It is done. It's a done deal. Aber sein fertiges Werk ist vollbracht. Es wird nicht noch vollbracht werden, sondern es ist vollbracht. Amen. Et quand on dit que son œuvre est accomplie, ça veut dire que c'est déjà fini, c'est accompli. Pas que ça va être accompli, non, que c'est déjà fait. And that's why he said, to after prayer, doubt not. Deswegen sagt nach dem Gebet, zweifle nicht. C'est pour ça qu'il nous dit de pas douter après la prière. And how you cannot doubt is you remember he said it is finished. Und wie zweifeln wir nicht, indem wir uns daran erinnern, dass er gesagt hat, es ist vollbracht. Et comment éviter ces doutes? C'est en se rappelant de son œuvre accomplie, en se rappelant qu'il a dit que c'est accompli. Amen. If you walk by sight, you will doubt. Wenn du per Sicht gehst, wirst du zweifeln. C'est une frage de Zeit. Parce que si tu marches selon la vue, tu vas douter. C'est une question de temps. Don't walk by head. Walk by heaven. Wandle nicht irdisch, sondern himmlisch. Donc ne marche pas selon ce monde, selon cette terre, mais plutôt selon le royaume des cieux. You are of the kingdom of heaven. Du gehörst zum Königreich des Himmels. Parce que tu appartiens au royaume des cieux. Amen. Amen. We walk by Christ. Wir wandeln durch Christus. On marche selon le Christ. Amen. Amen. Under law, you walk by situation. Unter dem Gesetz wandeln wir durch Situation. Mais sous la loi, on marche selon nos situations, selon nos circonstances. Please know when you are under law and get out of there. Bitte, wenn ihr im Gesetz seid und kommt da schnellstmöglich raus. Et c'est très très important de remarquer quand vous êtes sous la loi et d'immédiatement sortir. If you are in panic, if you are in fear, if you are in doubt, in sadness, in pain, in worries, you are under law. You better get out of there. Law and faith and law are opposites. Glaube und Gesetz sind Gegenteile. La loi et la grâce sont opposées. Amen. Donc, si tu es rempli de soucis, de doutes, de peur, de quoi que ce soit, ça veut dire que tu es dans la loi. Law means fear. Me panic. That's law. Encore une fois, la loi, ça veut dire que tu as peur, que tu es que tu paniques. It means you are seeing something outside Christ. Ça veut dire que tu vois quelque chose qui est en dehors du Christ. It means you are seeing yourself. I no longer Christ Jesus. Anytime I look around me, I should be able to see Christ. Immer wenn ich mich herumschaue, möchte ich Christus sehen. Sein fertiges Werk. Amen. Ça veut dire que tu vois ta propre personne et pas le Christ. Mais à chaque fois que tu regardes autour de toi, tu dois être capable de voir le Christ lui-même. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Under grace, we do not pray to be blessed. Unter der Gnade beten wir nicht dafür, gesegnet zu sein. Encore une fois, sous la grâce, on prie pas pour être béni. Pray to be blessed is situation control. Zu beten, dass man gesegnet wird, dann bist du von der Situation wieder kontrolliert. Quand tu pries pour être béni, ça veut dire que ta situation te contrôle. It means you are seeing what you don't have and not what you have. Das heißt, du siehst wieder das, was du nicht hast, und nicht das, was du schon hast. Ça veut dire que tu vois ce que tu n'as pas et pas ce que tu as. Amen. Amen. See only what you have. Schau nur auf das, was du schon hast. Regarde seulement sur ce que tu as. And what you should only have is Christ. Was du haben willst, ist Christus Jesus. Et la seule chose que tu dois avoir, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. 2 Corinthians again, 5, said, walk by faith and not by sight. Walk by who you are in the Spirit. Wandle im Glauben und nicht per Sicht. Wandle nach der Person, die du im Geist bist. Encore une fois, la Bible nous dit de marcher selon l'esprit et pas selon la vue. Donc on doit marcher selon la personne qu'on est en esprit. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Choose to always remain under his grace. Entscheide dich immer unter seiner Gnade zu bleiben, egal was ist. Choisis de toujours rester sous sa grâce, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Amen. choose to always remain under His grace, no matter what. Entscheide dich immer unter seiner Gnade zu bleiben, egal was ist. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, choisis de toujours être sous sa grâce. Amen. Amen. Remember. Again, choose to always remain under His grace, no matter what. Entscheide dich immer unter seiner Gnade zu bleiben, egal was ist. Choisis d'être toujours sous sa grâce, peu importe la situation. How? Comment? Amen. How? Come on. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Remember His finished work. Erinnere dich an sein fertiges Werk. Rappelle-toi à son œuvre accomplie. Remember all about Him. Erinnere dich an allem, was ihn angeht. Look at somebody rappelle-toi that was de sa personne, de tout ce qui situation. That was his problem. 2 Corinthians 12, please. On va lire 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. No, we are going to. 2 Corinthiens 12. Verse 9. 2. Corinthiens 12, Vers 9. Du bist schon automatisch. Du bist schon You know, somebody praying here. He prayed. Du hast gebetet. Il y a une personne qui a prié ici. Amen. Amen. That problem to be solved. Das Problem sich lösen. Afin que les problèmes soient résolus. He prayed three times. Er hat dreimal gebetet. Il a prié trois fois. And Jesus told him just one thing. Und Jesus hat ihm eine Sache gesagt. Mais Jésus-Christ lui a dit seulement une chose. And he said unto me. Verset 9. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Do you get something there? My sacrifice is enough for you. My love for you is enough for you. How I love you is enough to keep you moving. Wie ich dich liebe, reicht, um dir diese Ausdauer zu verschaffen, mir weiter nachzufolgen. Ma grâce pour toi est suffisante. L'amour que j'ai envers toi est suffisant afin que tu puisses continuer à marcher. Amen. Amen. Amen. You know, yes. Let's go to John. Mark. Is it not John? That is John. It should be John. John 16. Johannes 16. Jean 16. Praise the Lord. Amen. Jean 16. Praise the Lord. Alléluia. Just open some ears. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, John 16, sorry. I was in Luke. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 32, please. Jean 16, verset 32. The same thing Jesus said here. La même chose que Jésus-Christ dit ici. Amen. It's all power, my grace is sufficient for you. Paul sagt, meine Gnade genügt euch. Quand il a dit à Paul que sa grâce est suffisante. He said, behold, the hour cometh, yea, it's now come, that you shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. Amen. Praise the Lord. I love him. I don't even know why I don't love him in this Bible. Praise the Lord. Hallelujah. And yet I'm not alone. Dennoch bin you know, ich nicht in different alleine. Places you go to, it's as if you are alone. Verschiedene Orte, wo wir hingehen, sieht es oft alleine. Wir sind niemals alleine. Nous ne sommes jamais seuls. Tu peux être dans les différents endroits et croire que tu es tout seul, mais tu n'es jamais seul parce que le Père est toujours avec toi, ton Père est toujours avec toi. He said, "These things I have spoken unto you," verse 33. Verset 33. That in me you might have peace. In me. If you remember me, you will have peace. Wenn ihr euch an mich erinnert, werdet ihr Frieden haben. Si vous rappelez de moi, vous aurez toujours, toujours la paix. Him, there is no room for panic, for fear, for worry. Wenn ihr euch an ihn erinnert, wird es keinen Raum geben für Ängste und Panik. Parce que si tu te rappelles à Jésus-Christ, il n'y aura pas de place pour l'angoisse, pour la peur ou pour la panique. Is somebody getting it? In the world, you shall have tribulation. There will be problems. Es wird Probleme geben. Il y aura des problèmes dans ce monde. Amen. Amen. Just like what Paul was facing. Genauso wie das, was Paulus vor Augen hatte. Comme Paul a eu des tribulations aussi. Just like what you and me face so many times. Genauso wie das, was wir durchmachen. La même chose qu'on subit aujourd'hui, toi et moi. He said, "But be of good cheer. I have. He did not say, I'm going to. I've already done everything. Things have finished. Mais nous dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Pas je vais vaincre le monde qu'il a déjà fait. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. In the world there will be persecution. In der Welt wird es Verfolgung geben. Dans le monde, il y aura des tribulations. Whatever come to us under grace is persecution. Was immer zu uns kommt unter der Gnade ist Verfolgung. Tout ce qui vient vers nous quand on est sous la grâce, c'est la persécution. Are you getting it? If you are under grace, no matter whatever it is being done to you is persecution. Wenn du unter der Gnade bist, dann ist es Verfolgung. Aber nur wenn du in der Gnade bist, nicht im Gesetz. Donc, si tu es vraiment réellement sous la grâce, tout ce qui vient vers toi, tous les problèmes que tu as, c'est une forme de persécution. Praise the Lord. Let us learn to live under God kind of grace. Lass uns lernen, in der Gnade von Jesus Christus zu leben. On doit vraiment apprendre à vivre sous la grâce de Jésus-Christ. And let us know when we are on the other side. And get out of it. It's like when you come into a room, there's darkness. You on the light. Und rauskommen aus dieser Finsternis. Genauso wie wenn wir in einen Raum sehen, der dunkel ist, machen wir einfach das Licht an. Et c'est vraiment important qu'on sorte de ces ténèbres. Parce que si quand on entre dans une pièce qui est complètement sombre, on va aussi allumer la lumière. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. We continue from here on Sunday. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. We still go to 1 Corinthians 13. That very place you can see the difference between grace and love. Amen. Amen. Am Sonntag geht es dann weiter mit 1. Korinther 13. Da sehen wir nochmal den Unterschied zwischen Gnade und Gesetz. Dimanche, on va continuer avec notre message et on va surtout lire 1 Corinthiens 13. Et là, on peut vraiment voir que la grâce de Dieu et la loi sont vraiment opposées.